نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المسلمون يوم الاثنين إن شاء الله تبارك وتعالى تبدأ امتحانات البكالوريا وهناك امتحانات في الجامعات والمدارس المختلفة فأسأل الله تعالى أن يكتب النجاح لكل الطلاب والطالبات اعلموا أيها الإخوة الكرام أن هذه الدنيا دار امتحان واختبار وابتلاء كما قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهذا الابتلاء والاختبار لا ينتهي إلا بموت العبد ونتيجته الكبرى تظهر يوم القيامة قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فما زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فلنحذر أن تلهينا الدنيا عما خلقنا له فطالب الدنيا مثله كمثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, lundi 18, Inch'Allah, commence les examens du baccalauréat. Il y a également d'autres examens dans les universités et les autres écoles. Sachez, chers musulmans, que toute cette vie ici-bas n'est qu'une vie d'épreuves, d'examens et de tests. Allah nous dit dans le Coran, c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre et c'est lui le puissant, le pardonneur. Et ce test et cette épreuve ne prennent fin que par la mort. Et le résultat de cet examen n'apparaîtra que le jour de la résurrection. Allah nous dit dans le Coran, toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Donc, il faut prendre garde de ce bas monde, que ce bas monde nous distrait du but de notre création. Car celui qui court après ce bas monde est comme celui qui cherche à boire l'eau de la mer. Plus il boit, plus il a soif, et jusqu'à en mourir. Ibadallah. Ta'ammalu, rahimakumullah, fi surati murur al-azman. وتقضي الأيام والأحيان فإنه إنذار بالسير للآخرة بل علامة من علامات الساعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يحدث Chers serviteurs d'Allah, méditez sur la rapidité du temps qui passe. L'année scolaire est passée à une vitesse très très très rapide. Donc méditez sur la rapidité du temps qui passe et des jours et des semaines. Cela est un avertissement nous indiquant la proximité de l'heure. Le fait que le temps passe vite est un signe parmi les signes de l'heure. Anas ibn Malik radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne se sera pas contracté au point que l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et l'heure s'écoulera aussi vite qu'un tison enflammé. » Rapporté par At-Tirmidhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ce bas monde, par rapport à la vie future, s'apparente au geste de l'un de vous qui trempe son doigt dans un fleuve, qu'il voit donc ce qu'il peut en retirer, rapporté par Muslim. Ayyuha al-Muslimun, amun dirasiyun, azi farahiluhu, wa qad kunna bil amsi ibtada'na, wa ma asra'a audat al-tullab lid-dirasati ba'da al-utla, wa hakadha amun ba'da am, wa ha hum abna'una muqbiluna ala mawsimin min ashadd mawasim at-tarbiyati hasasiyatan. إنها الامتحانات الدراسية التي سيدخل معتركها شريحة من أغلى شرائح المجتمع ألا إنهم طلاب المدارس من المراهقين والشباب إن أيام الامتحانات من أصعب ما يمر بالفتى المراهق والشاب اليافع إذ فيها يرخى العناد فالأبوين في الغالب لا يطلبان أولادهما في وقت الامتحانات ولدي يذاكر ولدي كيراجع ففي هذا الوقت يرخى العنان وينفلت الزمام وما يكسبون فيه كثيرا من العادات السيئة ويقعون في عدد من الآفات المهلكة شيخ مسلمون une année scolaire est sur le point d'arriver à sa fin alors qu'hier elle commençait et une autre rentrée arrivera très rapidement après les vacances. Et c'est comme cela année après année. Et voilà que nos enfants, donc en ce moment, entrent dans une période qui est une des périodes les plus difficiles pour leur éducation, la période des examens scolaires. Donc, ceux qui passent des examens sont une des meilleures catégories de la société. Donc c'est les gens qui sont cultivés et instruits. Parmi les élèves, les jeunes et les adolescents. Ces jours d'examen sont difficiles pour les jeunes, d'un aspect religieux, car ils deviennent laxistes, et leurs parents également ne leur demandent plus rien, sous prétexte qu'ils sont en train de réviser. Donc ils deviennent laxistes, se laissent aller, et tombent parfois dans des péchés fatals. Ikhwat al-Iman, inna al-ma'rifata nourun yaghdhibuhu Allah fil qalb, wal-ma'siyatu تطفئ ذلك النور. الإمام الشافعي رحمه الله اشتكى يوما صعوبة الحفظ. اشتكى إلى تلميذه وكيع الجراح سوء حفظه فأرشده الوكيع إلى ترك المعاصي وقال له اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فترك الصلاة وتأخيرها بالنوم عنها بحجة الإرهاق والتعب مع الامتحانات بسبب أن الإنسان يذاكر ويراجع من أعظم ما يطفئ نور المعرفة في القلب. فعلى الطلاب والطالبات أن يحافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتهم وأن يتعلقوا بربهم عز وجل والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. إن حرص المسلم على مستقبله دلالة على تعقله. فالمؤمن كيس فطن والمؤمن يحرص على ما ينفعه ويترك ما يضره. وأيها الآباء أنت الأب وأيتها الأم وفقكم الله لكما دور كبير وأثر واضح في توجيه أولادكم وفي توجيه أولادكم. علم أبناءكم أن ما يفعله المعلم والأستاذ في الفصل كل هذا من أجله وأجل تعليمه وأن كل ما يتعلمه سينفعه في مستقبله وأن كل ما تعب في الدراسة كل ما سيرتاح في وظيفته وأخبره أو أمره أن يبذل أقصى جهده في الامتحانات والطالب المسلم في دراسته أو في مدرسته يمثل الإسلام الطالب المسلم في مدرسته يمثل الإسلام الذي قال الله تبارك وتعالى عن المسلمين كنتم خير أمة أخرجت للناس فنريد أن نرى في المدارس أن أفضل طلابها هم المسلمون ونريد أن نرى كذلك أن أفضل المدارس هي مدارس المسلمين ولكن هذا لا يتأتى إلا بتعاون من المسلمين كافة وبالأخص بتوجيه صحيح من الوالدين لأبنائهم Chers frères et sœurs, la connaissance est une lumière qu'Allah jette dans le cœur et les péchés éteignent cette lumière. L'imam al-Shafi'i rahimahullah s'est plaint un jour à son élève Waqir ses problèmes de mémorisation. Il avait du mal à mémoriser. Et Waqir l'a conseillé de délaisser les péchés car la science est une lumière d'Allah et que cette lumière ne peut être donnée à un pécheur. Donc le fait de délaisser la prière à cause des examens ou de dormir sans avoir prié le Maghrib et l'Isha, comment l'étudiant veut-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste pendant ses examens alors que lui il délaisse tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc il faut que les étudiants et les étudiantes soient assidus aux prières à leurs heures et que leur cœur soit lié à Allah. Allah nous dit dans le Coran et craignez Allah alors Allah vous enseigne. Et donc le fait que le musulman pense à son futur est une preuve de raison. Car le musulman est assidu à ce qui lui est bénéfique et il délaisse ce qui lui est néfaste. Ô parents des étudiants, vous jouez un grand rôle et avez une énorme responsabilité dans l'orientation de vos enfants. Apprenez à vos enfants que tout ce qu'il apprend à l'école, tout ce que son instituteur ou son professeur lui apprend est pour son bien, pour son enseignement. Tout ce qu'il apprend lui sera utile dans le futur. Et que plus il se fatiguera dans les études, plus il aura un métier reposant. Ou de gens, ils se trouvent dans des métiers difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu se fatiguer pendant les études. Mais ils se fatiguent plus tard. Ceux qui se fatiguent dans les études, alhamdoulilah, ils obtiennent des métiers reposants. Et il faut également dire à nos enfants qu'ils fassent leur maximum dans les études et dans les examens. Également, il faut savoir que l'étudiant musulman représente l'islam, qu'il le veuille ou pas. L'étudiant musulman représente l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comment a-t-il décrit les musulmans dans le Coran? Il a dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ». Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Donc pourquoi les musulmans ne sont pas la meilleure communauté dans les écoles? Donc nous voulons voir dans les écoles que les élèves musulmans sont les meilleurs élèves. Et nous voulons également voir que les écoles musulmanes sont les meilleures des écoles. Mais cela ne peut avoir lieu qu'avec une entraide de tous les musulmans, et plus particulièrement une entraide venant des parents dans l'orientation de leurs enfants. Et yoni khatul kiram, innana jami'an fi hajatin ila ta'awuni li yakuna awladuna min banin wa banatin على أحسن ما يكون في دينهم وأخلاقهم وتعاملهم ودراستهم ونحن في حاجة كذلك إلى أن يتعلموا يعني الطلاب الاعتماد على الله تبارك وتعالى في دراستهم مع بذل الأسباب فنعلق أبناءنا بالله تبارك وتعالى في نجاحهم إذا نجح الطالب على الوالدان أن يعلماه أن هذا النجاح من الله تبارك وتعالى فهو الذي بيده النفع وبيده دفع الضر ونعلمهم كذلك مراقبة الله تبارك وتعالى والخوف منه. فقبل أن يتوجه الطالب لقاعة الامتحان يسبق ذلك بالدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا استصعب عليه أمر يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إن شئت. رواه ابن حبان. وإن توضأ وصلى ركعتي الضحى قبل أن يخرج فما أجمل هذا. ثم على الوالدان أن يودعا ولدهما بدعوات يسمعها من لسان ذاكر ومن قلب خاشع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه ابن ماجه. شيخ الإسلام، nous avons tous besoin de s'entraider afin que nos enfants, garçons et filles, soient les meilleurs dans leur religion, les meilleurs dans leur comportement, les meilleurs dans leur relation avec les autres, les meilleurs dans leurs études, les meilleurs dans tous les domaines. Nous avons besoin de leur apprendre le fait de compter sur Allah subhanahu wa ta'ala dans les études. Il ne faut pas que le musulman il dise comme إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. Il pense que c'est ça, ses connaissances et ses révisions qui ont fait qu'il a réussi. Pensez à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a fait réussir. Toi, tu as seulement fait les causes. Donc il faut leur apprendre le fait de compter sur Allah dans les études tout en faisant les causes. Il faut que les parents lient leurs enfants à leur Seigneur dans leur réussite en leur disant si tu as réussi, c'est grâce à Allah car c'est lui seul qui apporte le bien et éloigne le mal. Et il faut apprendre également à nos enfants le fait qu'ils ressentent qu'Allah les observe afin que cela fasse naître sa crainte dans leur cœur. Avant que l'élève musulman ne se rende en salle d'examen, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter la tâche. Anas ibn Malik nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il trouvait une chose difficile, il disait ô mon Seigneur, il n'y a pas de chose facile que celle que tu facilites et tu es capable, si telle est ta volonté, de rendre facile ce qui est difficile, rapporté par Ibn Hibban. Et si l'étudiant également fait ses ablutions et prie de la ka'at, du doha, avant de sortir, cela est la plus belle des choses. Puis, il faut que les parents invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour leur enfant, et en lui faisant entendre cela, Abu Huraira nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois prières sont exaucées, sans aucun doute, l'invocation de l'opprimé, la prière du voyageur et celle des parents en faveur de leurs enfants, rapporté par Ibn Majah. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إنه يجب علينا جميعا أن نعلم أن ثمة مظاهر سلبية تحدث وقت الامتحانات، منها ما يسمى بالغش. فالغش حرام ومخالف لشرع الله تبارك وتعالى، بل إن الغش من كبائر الذنوب قل أو كثر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. رواه مسلم. كيف يرضى المسلم المصلي الذي يرجو ربه ويخافه أن يغش وقد سمع هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تسمح له نفسه أن يقترب من هذا الخطأ؟ الخير بيد الله تبارك وتعالى، وإن رزق الله لا يطلب بمعصيته ولا ينال بإغضابه سبحانه وتعالى. بل على المسلم أن يحقق قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. في الامتحانات الإنسان لا يستعين إلا بالله تبارك وتعالى، لا يستعين بالغش ولا يستعين بالآخرين. ويستنير كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم. فبالغش يتخرج غدا طبيب فاشل، ويتخرج مهندس ضعيف، ويتخرج كذلك موظف خائن، نسأل الله السلامة والعافية. Qui apparaissent pendant les examens. Parmi ces mauvaises habitudes, ce que l'on appelle la triche, el-rish. La triche est illicite et contraire à la religion d'Allah. La triche fait partie des grands péchés, quelle que soit sa quantité. Que tu triches dans une matière ou deux, pour un mot ou bien pour tout l'examen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui triche n'est pas des nôtres. Celui qui triche n'est pas des nôtres, rapporté par Muslim. Comment le musulman qui prie et espère la récompense de son Seigneur et craint son châtiment peut-il tricher alors qu'il vient d'entendre cette menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment peut-il accepter également d'approcher cette chose très grave? Le bien tout entier réside auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la subsistance d'Allah ne peut être demandée par les péchés et sa colère. Il faut que le musulman mette en application le verset qu'il récite plusieurs fois par jour: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est à toi seul que nous, c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Donc le secours vient d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les choses, même dans les examens. Et il faut se rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: Ista'in billah wa la ta'jaz. Demande l'aide d'Allah et ne baisse pas les bras, rapporté par Muslim. Et à cause de la triche, apparaissent dans la société des médecins incompétents, des ingénieurs faibles et des fonctionnaires voleurs et des gens qui ne méritent pas leur place. Ibadallah. Il a sa l'insanu, il n'y a pas l'âge de la dunya, il m'a l'imtahina huwa, ou yamtahina awladuhu, ou ahfaduhu, alayhi an yatadhakkara imtihan al-akhirah. فإن امتحان الدنيا يكون في مقرر محدد، في جزء من كتاب، في ورقات معدودات من دفتر، في مادة من المواد. أما امتحان الآخرة ففي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقد حوى الأقوال وأحصى الأفعال وأحاط بالحركات والسكنات وألم بالخطرات والزلات. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالصغائر مسجلة به كما أن الكبائر مدونة فيه. قال تعالى: وكل صغير وكبير مستطاب. فالعباد يقولون ويفعلون في الدنيا، والكتاب يكتبون، ويوم القيامة يخرجون ما كانوا يحصون ويستنسخون. قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فتنشر الفضائح وتظهر القبائح ويبدو ما كان مخبوءا من ذنوب وعصيان. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. شخص عبد الله. Lorsque vous entendez parler des examens ici-bas, soit vos propres examens, soit les examens de vos enfants, ou bien de vos petits-enfants, il faut que cela vous rappelle l'examen de l'au-delà. Les examens ici-bas sont liés à un programme, se trouvant dans un manuel scolaire ou un cahier, livre de chacun, alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Et ils diront, malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils auront œuvré, et ton Seigneur ne fera du tort à personne. Donc les grands et les petits péchés seront inscrits, Allah nous dit dans le Coran, et tout fait, petit et grand, est consigné. Et les serviteurs ici-bas, les musulmans comme les non-musulmans, parlent et œuvrent, et les scribes d'Allah subhanahu wa ta'ala écrivent tout cela. Et le jour de la résurrection, ils feront apparaître tout ce qu'ils ont enregistré. Allah nous dit dans le Coran, voilà notre livre, il parle de ce, il parle de vous en toute vérité, car nous enregistrons tout ce que vous faisiez. Et donc les scandales apparaîtront et les actes ignobles seront dévoilés et tout ce qui était caché comme péché ne le sera plus. Allah nous dit dans le Coran, le jour où Allah les ressuscitera tous, puis les informera de ce qu'ils ont fait, mais Allah l'a dénombré et ils ont oublié. Allah est témoin de toutes choses. Ayyuhal muslimun. إن الامتحانات في هذه الحياة الدنيا أسئلتها محدودة في بعض مفردات الكتاب فلا يمكن للمعلم أن يسأل الطالب عن كل دقيق وجليل من محتويات المقرر وربما تدركه الشفقة فيختار له من أسهل الأسئلة وأيسرها أما امتحان الآخرة فالأسئلة حاوية لأطراف الحياة شاملة لدقائق العمر أسئلة عن الأفعال أسئلة عن الأقوال أسئلة عن الأموال أسئلة عن الأوقات أسئلة عن الأمانات أسئلة خطيرة جدا عن كل كبير وصغير وعظيم وحقير قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه رواه الطبراني شيخ مسلمون Les examens ici-bas ne sont que quelques questions sur le programme scolaire. Le professeur ne peut pas nous questionner sur tous les sujets du programme. Souvent même, par clémence, il choisit les sujets les plus faciles. Quant à l'examen de l'au-delà, les questions seront sur toute votre vie, même les choses les plus infimes. Des questions sur nos actes, des questions sur nos paroles, des questions sur nos richesses, d'autres sur notre temps, d'autres sur les dépôts confiés, des questions très graves pour chacun d'entre nous. Allah nous dit dans le Coran, par ton Seigneur, nous les interrogeons tous sur ce qu'ils œuvraient. Et il dit également, et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, les deux pieds du serviteur d'Allah ne franchiront jamais un pas jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur quatre choses. Sur sa vie, comment l'a-t-il vécu? Sur sa jeunesse, comment l'a-t-il abordée? Sur sa richesse, comment l'a-t-il acquise? Et comment l'a-t-il dépensé? Et sur son savoir, comment l'a-t-il utilisé? Rapporté par l'imam al-Tabarani. Et on est au kiram. Inna fi imtihani dunya nisbatu al-najah fihi aliyatun jidda. Rubbama balaghat 80%. أما امتحان الآخرة فنسبة النجاح فيه قليلة جدا لا أقول واحدة في العشرة أو واحدة في المئة إنما هي واحدة من ألف 999 في النار بعدد من الله تبارك وتعالى وحكمة منه وواحد في الجنة بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ادم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال أبشر فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم رجل. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأطمع تكون ربع أهل الجنة فحمدنا الله وكبرناه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة فحمدنا الله وكبرناه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. متفق عليه. Chers frères et sœurs, le pourcentage de réussite dans les examens ici-bas est très élevé. Il atteint parfois 80% de réussite. Quant à l'examen de l'au-delà, ceux qui le passent avec succès sont très peu nombreux. Ce n'est pas 1 sur 100 ou bien 1 sur 10, mais c'est 1 sur 1000. 999 en enfer par la justice d'Allah et sa sagesse, et un seul au paradis par sa miséricorde. Abu Sa'id al-Khudri nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce jour-là, Allah interpellera Adam alayhi salam et lui dira ô Adam, Adam lui dira je suis à tes ordres, ô Allah, tous les bienfaits sont entre tes mains. Et il lui dira extrait de ta descendance ceux qui seront envoyés en enfer. Adam dira mais qui sera envoyé en enfer? Allah répondra sur 1000 personnes, 999 seront envoyés en enfer. C'est à cet instant où le jeune se fera des cheveux blancs et chaque femme enceinte laissera tomber sa charge. Et vous verrez les gens comme s'ils étaient ivres alors qu'ils ne le seront pas. Mais la punition d'Allah sera sévère. Les compagnons de Allah, en entendant cela, ont dit au prophète, ô messager d'Allah, qui parmi nous sera cet homme parmi les mille? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a leur dit, réjouissez-vous, il y aura mille parmi Yajouj, wa Majouj, et un homme parmi vous. Par celui qui détient mon âme dans sa main, j'ai espoir que vous représentez, que vous représenterez le quart des habitants du paradis. Et les compagnons ont loué Allah et affirmé sa grandeur. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, par celui qui détient mon âme dans sa main, j'ai espoir que vous représenterez le tiers des gens du paradis. Et les compagnons également ont dit Alhamdulillah et Allahu Akbar. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, j'ai l'espoir que vous représenterez la moitié des habitants du paradis. Vous êtes au milieu des nations comme le poil blanc sur la peau d'un taureau noir, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sallallahu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ajna husna taqwaha wa zakiyata khayru man zakaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'adna wa ij'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa al-maut rahatan lana min kulli shar ya 'aziz ya 'affar. Allahumma ashfi maradana wa marada al-muslimin. Allahumma ashfi maradana wa marada al-muslimin. Allahumma ashfi maradana wa marada al-muslimin. Allahumma rabb an-nas hadhi bil-ba's. Allahumma anta ash-shafi la shifa illa shifa'uk شفاءً لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اكتب النجاح للطلاب المسلمين. اللهم اكتب النجاح للطلاب المسلمين وغير المسلمين. اللهم اكتب النجاح للطلاب كافة يا رب العالمين. اللهم تقبل من الإخوان الذين يساعدون المسجد بأموالهم وأوقاتهم ودعواتهم وجهودهم. اللهم تقبل منهم واجعل كل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم يلقونه الدنيا حسنة وفي الآخرة